إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 15 dans l'explication du livre زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. Et c'est en français, je l'ai traduit par les méfaits de, ou bien pas les méfaits, mais plutôt la position des salafs ou le manhaj des salafs face à la divergence. Aujourd'hui, inshallah, on va compléter la première section de ce livre. La première section de ce livre qui est en fait l'établissement des fondements et des principes en ce qui concerne les questions de divergence par rapport aux salafs. Puis, inshallah, je ne sais pas si on aura le temps de commencer la deuxième section, mais sinon, on commencera la deuxième section demain. Elle est beaucoup plus courte que la première, parce qu'on a fait 15 cours maintenant sur la première section. La deuxième section, ça va être probablement 2 cours. Et puis, la troisième section, ça va peut-être être un seul cours ou deux, ça dépend, on va voir aussi. Mais c'est que la première partie du livre, il y a plus que 100 pages seulement pour la première section. Donc ça nous donne l'importance des fondements et des principes en premier. Donc le cheikh, on commence donc le cours d'aujourd'hui avec un autre point, c'est « Al-i'radu an al-haq ba'da wuduhihi kabira ». C'est-à-dire que une fois que la vérité a été clarifiée, de s'en détourner, c'est un grand péché. Une fois que la vérité a été clarifiée, c'est un péché de s'en détourner. Le cheikh il dit: كان الصحابة والتابعون يختلفون ويبين صاحب الحق للمخطي خطأه ويبين الصواب بالدليل من الكتاب والسنة فإن أصر المخطئ على خطئه بعد تبيين الحق له وبخه وزجره وربما هجره وإن كانت المسألة على طريقة البعض يسيرة وجزئية وهامشية وليست من الكليات ولم يكن فيها من يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وما ذلك أو وما ذاك إلا لأنه عدول عن الدليل وإعراض عن الحق بعد وضوحه وإصرار على الباطل وكل ذلك قادح في الاتباع. Le cheikh il dit que les sahaba et les tabi'un radiyallahu anhum, ils étaient parfois en divergence les uns avec les autres. Et à chaque fois qu'il y avait entre eux des divergences, celui qui était sur la vérité et qui avait la vérité clarifiait l'erreur de celui qui avait fait l'erreur. Okay? Et il lui montrait la question, il lui clarifiait la chose qui était correcte avec les preuves du Coran et de la Sunna. D'accord? Il ne faut pas s'imaginer comme certaines personnes aujourd'hui s'imaginent que les salafs entre eux, quand ils faisaient des erreurs ou quand certains d'entre eux se trompaient dans des questions de religion, ils se laissaient chacun des excuses et puis ils laissaient chacun suivre qu'est-ce qu'ils pensaient être la vérité selon ses passions. Bien sûr que non. Donc on va voir des exemples de ça. Et le cheikh il dit, si un des sahaba ou un des tabi'in à l'époque trouvait une personne qui avait fait une erreur et qui persistait à rester sur son erreur une fois que la vérité lui avait été clarifiée, eh bien cette personne-là qui persistaient sur l'erreur étaient yani, blâmés, réprimandés et parfois punis, ou même parfois yani, on la boycottait cette personne. Hein? On la boycottait, c'est-à-dire on décidait de ne plus lui parler ou de ne plus lui adresser la parole. Même si pour certaines personnes, de la façon dont certaines personnes pensent aujourd'hui, hein, selon eux, ce sont uniquement des questions qui sont très faciles, très simples, qui sont pas compliquées, et puis que ça fait pas partie justement pour selon eux des choses fondamentales et des principes sont disons des principes généraux dans la charia. Pour eux, ce sont des questions qui sont dans la marge. Ce sont des questions élémentaires. Hein, c'est pas des choses sur lesquelles on doit s'attarder trop, ou des questions sur lesquelles il faut se réprimander les uns les autres si on a des divergences, hein, comme ceux qui disent aujourd'hui, comme les Ikhwan et les gens de ces tendances-là qui disent on doit s'excuser mutuellement dans les questions sur lesquelles on diverge. On voit que l'attitude des Sahaba et l'attitude des Tabi'in et des Salaf en général, c'était pas de laisser chaque personne faire ce qu'il voulait, non. C'était quand on clarifie la vérité à quelqu'un, puis que la personne persiste à la suivre, même si elle sait qu'elle est dans l'erreur, ou même si on lui a prouvé avec les preuves que la personne est dans l'erreur, puis qu'elle persistait, eh bien cette personne-là était réprimandée. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle se détourne de la preuve. Elle se détourne de la vérité après que la vérité lui a été clarifiée. Et de persister sur quelque chose qui est faux, hein, ça c'est quelque chose qui vient disons faire une tâche dans ta façon dont tu suis l'islam et dans la façon dont tu prétends suivre la vérité ou suivre la religion, hein, c'est quelque chose qui vient mettre un défaut ou un problème ou une imperfection dans ta façon de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir l'exemple des paroles des salafs à ce sujet là le cheikh il dit wa qala Abu al-Qasim al-Asbahani في الحجة في بيان المحجة il dit الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Donc ça c'est انتهى كلامه. Le cheikh il dit Abu al-Qasim al-Asbahani dans son livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja dans le volume 2 à la page 233, il dit le fait de suivre la sunna par rapport chez les ulama, qu'est-ce que ça signifie? Suivre la sunna, ça signifie de prendre la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous est arrivé ou qui nous est parvenu de manière authentique selon les savants de cette science, c'est-à-dire la sunna qui nous est rapportée par les savants de hadith et qui est reconnue comme étant authentique par les savants de cette science et par ceux qui la transmettent et par ceux qui la mémorisent. Donc si les savants de hadith ont déterminé qu'un hadith est authentique selon les principes, selon les règles de la charia et selon les règles de la science du hadith, eh bien on doit l'accepter, hein. Quelqu'un, par exemple, qui n'est pas spécialiste ou qui n'a pas la connaissance des sciences du hadith, hein, il ne peut pas dire, par exemple, il arrive puis il dit « Non, moi, je ne reconnais pas ce hadith-là », alors qu'il n'est pas spécialiste dans ce domaine. Celui qui vient puis qui dit, par exemple, « Ce hadith-là, il n'est pas authentique » ou « Ce hadith-là, je ne le reconnais pas », il faut qu'il soit quelqu'un qui ait de la connaissance dans la science du hadith, hein, contrairement à certains modernistes qui parfois déterminent ou essaient de juger de l'authenticité ou de la non-authenticité d'un hadith ou d'une narration en se basant sur leur propre compréhension ou sur leur propre raison. Et ça, c'est incorrect. Hein? Il faut retourner aux savants de hadith pour connaître ou pour savoir quel hadith est authentique et quel hadith n'est pas authentique, et non pas se fier ou se baser sur des gens qui ne sont pas spécialistes dans la question. Donc ça, c'est d'un point. Suivre la sunna, ça veut dire, pour les ulama, ça veut dire prendre la sunna qui nous est parvenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été transmise par les savants de cette science, par les transmetteurs de cette science et par ceux qui mémorisent ces hadiths-là, et de se soumettre à ces narrations et à ces textes qui nous sont parvenus, et de se soumettre à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la fin de la citation du cheikh et de l'imam Abu al-Qasim al-Asbahani dans Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja. Il y a une chose que l'on doit savoir à ce sujet-là, c'est que lorsqu'on entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous est parvenue, eh bien, il faut s'y soumettre comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlait aujourd'hui. De même que le Coran, quand on lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'appliquer et le suivre comme si Allah subhanahu wa ta'ala il nous parlait aujourd'hui. Et c'est pas comme si on dit, ah, mais ça c'est des choses qui étaient pour l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas vivant parmi nous, donc c'est pas pareil, on n'est pas obligé de l'obéir dans tout. Non, lorsqu'on a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut réagir comme si, de la même manière qu'on réagirait si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant avec nous aujourd'hui et qu'il nous disait, fais telle chose. Bien entendu, s'il était devant nous et qu'il nous disait, fais cette chose-là ou ne fais pas cette chose-là, il n'y a personne d'entre nous qui dirait, ah non, je ne vais pas le faire, ou ah non, je vais désobéir. Mais parce qu'il n'est pas là et parce qu'il n'est pas vivant avec nous maintenant, certaines personnes se permettent de dire, bon, c'est pas grave, il n'est pas là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on peut accepter ou ne pas accepter, suivre ou ne pas suivre, obéir ou ne pas obéir. Et ça, c'est bien entendu, c'est incorrect. Le cheikh dit, فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها فقال ابنه بلال والله لنمنعهن فسبه عبد الله سبا سيئا. OK. Donc qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit il y a le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, lorsque il a dit que il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, n'interdisez pas à vos femmes d'aller à la mosquée. Ne leur interdisez pas d'aller aux mosquées lorsqu'elles vous demandent la permission. Alors le fils de Abdullah ibn Omar, qui s'appelait Bilal, il a dit, par Allah, je jure que je vais les empêcher. Par Allah, je jure que je vais les empêcher. Alors, Abdullah ibn Omar, il a réprimandé son fils et il l'a insulté, d'une insulte vraiment dure. Et ça, c'est un hadith qui est apporté dans Al-Bukhari et Muslim. Okay? Et donc, c'est pour dire que le cheikh il dit que il mentionne cet exemple-là pour nous faire comprendre que quand quelqu'un a connu la preuve de la sunna, et un hadith, c'est un hadith authentique, et on te le rapporte, et toi tu dis non, je veux faire le contraire, eh bien ça prouve que on n'accepte pas la divergence dans des cas comme ça. Par exemple, il a insulté son fils quand il l'a vu en train de s'opposer à la sunna. Et on va voir d'autres exemples aussi de ça. وهذا عبد الله بن مغفل لما رأى رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف فعاد الرجل فقال عبد الله بن مغفل أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. Le cheikh il dit, lorsque Abdullah ibn Mughaffal, c'était un des sahaba, il a vu un homme qui un homme parmi ses amis, parmi ses compagnons, qui faisait al-khadf. Al-khadf, c'est quoi? C'est quand tu prends un petit caillou ou une pierre entre deux de tes doigts, le pouce et l'index, ou le pouce et le majeur. Tu mets une pierre juste entre les deux, au bout, et tu l'envoies avec force. Nous, on dit ici au Québec, on dit pichenote, une pichenote. Donc, c'est ça, al-khadf. Donc, cette personne, c'est ce qu'elle faisait. Elle envoyait des petits cailloux avec ses doigts, comme ça. Et le Abdullah ibn Mughaffal, il a vu quelqu'un en train de faire ça. Alors il lui a dit, n'envoie pas des pierres comme ça avec tes doigts, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il détestait ou bien il interdisait de faire une chose pareille. Mais l'homme continuait à le faire, il continuait à le faire après avoir entendu ça. Alors Abdullah ibn Mughaffal lui a dit, je te donne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de le faire, et toi tu le fais quand même, tu envoies encore des pierres comme ça avec tes doigts, alors je ne te parle plus jamais. Il a dit, je ne te parle plus jamais. Hein, ça c'est rapporté par Muslim. Donc c'est pour expliquer en fait la différence entre le cas d'une personne qui fait quelque chose par ignorance et le cas d'une personne qui fait quelque chose, on lui donne la preuve que c'est interdit et puis il persiste à le faire malgré qu'il connaît l'interdiction. Il y a deux attitudes différentes qu'on doit appliquer et adopter vis-à-vis de ce genre de personne. D'accord. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar qu'on a vu tout à l'heure, quand il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdisez pas aux femmes, ne leur interdisez pas d'aller aux mosquées si elles vous demandent la permission, et son fils lui a dit, par Allah je vais leur interdire, alors Abdullah ibn Omar s'est mis en colère et il l'a insulté. Hein, il a dit, comment je te donne l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis toi tu dis tu vas faire le contraire? Hein, où est-ce qu'elle est ta raison, où est-ce qu'elle est ta logique? Et la même chose pour Abdullah ibn Mughaffal, il a dit la même chose à cet homme qui persistait à vouloir faire des choses, une chose en particulier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de le faire. Ça indique une sorte d'arrogance ou de fierté parfois. C'est comme par exemple l'homme auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mange avec ta main droite. Et la personne a dit, je peux pas. Hein, elle mangeait avec sa main gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mange avec ta main droite. La personne a dit, je peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras plus le faire de toute façon. Hein? Et sa main est devenue paralysée. Donc, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire que, il y a une différence entre quelqu'un qui fait un péché comme ça, par ignorance, et qu'on lui dit la chose puis il cesse de le faire, et quelqu'un d'autre, il sait pas, il le fait, tu lui dis, et que lui, il continue à le faire malgré ça. Et il persiste. Des fois, c'est l'arrogance et la fierté, ou bien autre chose de ce genre qui rentre dans le cœur de la personne qui l'empêche de se soumettre à la vérité. Et ça, c'est grave. Il y a plein de versets dans le Coran qui parlent de ce genre de choses-là, que c'est très dangereux de faire une chose pareille. Le cheikh, il dit, فَيَنْبَغِي التَّفْرِقْ بَيْنَ الْمُعَانِدَ الْمُسِرْ على الباطل بعد وضوحه فهذا غير معذور وهو آثم وبين المتأول أو الجاهل فهذا معذور. Il faut faire une distinction entre la personne qui persiste de façon obstinée et avec orgueil sur qu'est-ce qui est faux, après qu'on lui ait clarifié cette chose-là, on lui ait montré que c'est faux, que c'est interdit ou que c'est mauvais. Celui-là, il n'est pas excusé. Il est dans le péché pour qu'est-ce qu'il fait. Tandis que l'autre catégorie de personnes, c'est celui qui est muta'awil, qui a mal compris quelque chose ou qui s'est trompé. Ou al-jahil, celui qui est ignorant. Ceux-là sont excusés. C'est pas pareil. Donc, le shaykh, il dit ensuite, « وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْنُ تَيْمِيَا فِي مَجْمُعُ الْفَتَاوَى فَالْمُتَأَوِّلْ وَالْجَاهِلْ الْمَعْذُورْ لَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُعَانِدْ وَالْفَاجِرْ بَلْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Le Cheikh, il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, le volume 3, à la page 288. Le Cheikh, il dit que Al-Muta'awil, celui qui s'est trompé, qui a fait une erreur, dans sa compréhension, dans son jugement, ou bien l'ignorant, celui qui n'a pas reçu la preuve, qui ne connaissait pas l'interdiction d'une chose, celui-là, il est excusé. Et son verdict, le verdict à son sujet n'est pas le même que le verdict de la personne qui s'obstine de façon persister dans qu'est-ce qui est interdit et qui est pervers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chacune de ces catégories-là une proportion ou un verdict spécifique. qui est différent l'un de l'autre. Et il y a une note de bas de page après le mot muta'awil dans cette citation. Ça c'est donc ça c'est la fin de cette citation. Puis à la fin en bas de page il y a une note justement au sujet du mot muta'awil. Le cheikh il mentionne d'autres paroles de cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa au volume 19 à la page 191. Le cheikh il dit qala cheikh al-Islam وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. Cheikh al-Islam il dit il y a beaucoup de mujtahidin parmi les salafs et les khalafs qui ont dit ou qui ont fait des choses qui étaient bid'ah, mais ils ne savaient pas que c'était des bid'ah, soit parce que les hadiths qu'ils ont utilisés pour faire ces choses là c'était des hadiths qui étaient pas authentiques, qui étaient da'if, mais ils pensaient eux que c'était des hadiths authentiques. Donc ça c'est une explication pourquoi ils ont fait des bid'ah parfois sans savoir que c'était des bid'ah, parce qu'ils ont pris un hadith qui était da'if, eux ils pensaient que c'était un hadith authentique alors que c'était pas authentique. Ça c'est une explication. Ou bien parce que ils se sont basés sur des versets qu'ils avaient compris d'une manière, qu'ils avaient compris d'une manière, ou bien des opinions qu'ils avaient pris, des choses qu'ils avaient compris d'une certaine façon, ou bien parfois il y avait des questions ou des opinions qu'ils avaient pris ou des compréhensions qu'ils avaient eues parce qu'ils n'avaient pas reçu un texte en particulier ne leur était pas parvenu, et donc ils avaient pris une opinion ou une position sur quelque chose sans avoir les détails de la question, et donc dans des cas comme ça ils sont excusés, hein, ils sont excusés. Et donc ça c'est des choses qu'il faut bien comprendre, parce que comme je disais dans des cours précédents, il y a des gens qui ont mal compris cette question là ils ont vu par exemple que à l'époque des salafs il y avait dans certains détails de la charia des petites divergences entre les salafs, et ils ont dit bon, regardez, dans des cas comme ça, s'il y avait des petites divergences entre les salafs dans certaines questions, dans ce cas-là, c'est pas grave, on peut diverger entre nous, et il faut s'excuser entre nous dans des divergences. Bien entendu, il faut faire la distinction. Il y a des divergences qui pouvaient se produire entre les salafs parfois, ils se disputaient, et ils se réprimandaient les uns les autres par rapport à ces divergence là, hein? Le cheikh il dit ensuite وكذلك يعذر العالم المتقدم لتأويله أو لعدم بلوغه الحجة ولا يعذر ما ولا يعذر من بعده لبلوغ الحجة وإزالة الشبهة. Le cheikh il dit il y a des savants qui sont excusés également parce qu'ils sont les premiers à s'avancer dans une explication ou dans une compréhension quelconque, parce qu'ils n'ont pas reçu la preuve au sujet de cette question-là, ne leur est pas parvenue. Eux sont excusés. Toutefois, ceux qui viennent après ceux-là et qui ont reçu la preuve, eux ne sont pas excusés par la suite si la question leur a été clarifiée et qu'ils ont reçu la preuve et que la shubha leur a été clarifiée à ce sujet-là. Donc ils n'ont plus d'excuses par la suite. Et là le cheikh il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah encore une fois dans Majmou' al-Fatawa au volume 6 à la page 61. Il dit wa qala cheikh al-islam idha ra'ayta al-maqalat al-mukhti'a قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا يبنت من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit: si tu vois une parole erronée qui est venue de la part d'un imam ancien, un imam qui est venu il y a très longtemps, et que la faute lui est pardonnée, lui est excusée, parce qu'il n'avait pas reçu la preuve au sujet de cette erreur-là, hein, mais ça ne veut pas dire que cette erreur-là, elle est excusée de ceux qui viennent par la suite et qui ont reçu la preuve. Hein, on ne va pas l'excuser de la même façon que le premier qui s'était trompé sur cette question-là par la suite, puisqu'il y a une différence entre celui qui a fait l'erreur parce qu'il n'a pas reçu la preuve et celui qui a reçu la preuve puis qui a persisté dans l'erreur. Donc, le cheikh il dit, et c'est pour cette raison-là qu'on déclare comme innovateur celui qui a reçu les hadiths au sujet du châtiment de la tombe et qui nie le châtiment de la tombe, mais on ne déclare pas comme étant innovateur ou innovatrice ou mubtadi'a Aïcha radiallahu anha et les gens de cette catégorie-là qui n'ont pas, qui ne connaissaient pas la preuve que les morts entendaient dans leur tombe. Hein? Donc ça c'est un exemple. Parce que il y a des gens qui peuvent s'imaginer, qui peuvent se dire, bon, Aïcha radiallahu anha, c'est une des grandes savantes de l'islam, une des sahabiyat, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si elle dit quelque chose à ce sujet-là, ben, elle doit savoir. Mais il faut comprendre que les sahaba, ils n'étaient pas omniscients, ils n'avaient pas la connaissance de tout. Certains sahaba pouvaient dire quelque chose, pouvaient avoir dit quelque chose selon la connaissance qu'ils avaient. Tandis que d'autres sahaba avaient entendu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des clarifications du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certains sujets que d'autres sahaba n'avaient pas entendu. Et donc c'est pour ça que parfois certains sahaba allaient donner un jugement ou allaient expliquer une parole ou dire quelque chose sur l'islam selon la connaissance qu'ils possédaient de cette question-là, et c'était une chose qui était incorrecte. Hein? Et un autre sahabi allait le corriger ou allait le réfuter ou lui répondre, mais ça ne veut pas dire qu'on allait déclarer le sahabi qui s'est trompé ou qui a fait une erreur comme étant innovateur, hein, ou comme étant égaré. Pourquoi? Parce qu'il se basait uniquement sur la connaissance et la compréhension qu'il avait reçue. Puis par la suite, hein, lorsque la preuve était clarifiée, il revenait à la vérité en grande partie du temps, il revenait toujours à la vérité. Et c'est pour ça que on va pas considérer comme étant innovateur les savants qui se sont trompés dans une ijtihad parce qu'ils n'avaient pas par exemple la preuve au sujet d'une question, tandis que la personne qui vient par la suite et qui se trompe dans la même question pourrait être déclarée comme étant un innovateur, hein, malgré que la même chose avait été une cause de divergence par rapport aux salaf, hein, chez les salaf. Pourquoi? Parce que la personne à l'époque des salaf qui s'était trompée parce qu'elle n'avait pas reçu la preuve, elle avait fait cette erreur par ignorance, tandis que la personne qui reçoit la preuve puis qui contredit cette preuve après l'avoir su, celle-là n'est pas excusée. Et donc le cheikh il dit ça c'est un fondement très grand, c'est un cheikh Ibn Taymiyyah il dit ça c'est un grand fondement, un des grands principes. Alors médite là-dessus, réfléchis beaucoup là-dessus parce que c'est très bénéfique de le comprendre. Ça c'est la fin de la citation de Ibn Taymiyyah. Puis dans la note de bas de page, le cheikh Hamad Ibn Ibrahim Al-Uthman il a mis une note au sujet de la question des gens qui entendent dans leur tombe. OK? Et il a dit que l'écoute ou l'entente de quelque chose dans la tombe pour les morts, ça c'est quelque chose qui est affirmé dans les hadiths authentiques dans le Coran, dans les hadiths authentiques dans Al-Bukhari et Muslim, comme dans le hadith de Anas ibn Omar radiyallahu anhum, il a affirmé Il a affirmé que les morts entendent dans leur tombe. Ok? Donc, il y a des hadiths authentiques qui prouvent que les morts, dans leur tombe, ils entendent. Hein? Et qu'est-ce qui est affirmé à précédence sur ce qui est nié? L'affirmation à précédence sur la négation. Ok? Et il dit ensuite, en ce qui concerne le verset qui nie que les gens de la tombe peuvent entendre, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'entente ordinaire dans cette vie qui est bénéfique pour la personne qui entend, hein, et non pas l'entente elle-même à la base. Et ça, c'est clarifié dans Majmu' al-Fatawa, dans le volume 4, à la page 297 et 299. Donc, je vais lire la parole en arabe. وَالسَّمَعُ الَّذِي نَفَتْهُ مُثْبَتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ. L'écoute qui est affirmée dans l'écoute qui a été niée par Aïcha radiallahu anha pour les gens de la tombe, elle est pourtant affirmée dans le Sahihain, dans le hadith de Anas ibn Omar radiallahu anhum. Et donc, qu'est-ce qui est affirmé? Il a précédent sur qu'est-ce qui est nié, hein? Il dit في الصحيح والسماع الذي نفته مثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم والمثبت مقدم على النافي هو المثبت مقدم على النافي celui qui affirme a précédence sur celui qui nie. أما الآية فالمنفي فيها هو السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه لا أصل السماع. Donc qu'est-ce qui est nié dans le verset dans sourate Fatir? Allah subhanahu wa ta'ala il dit وما أنت بمسمع من في القبور. Allah subhanahu wa ta'ala il nie dans un verset, il dit que tu peux pas faire entendre ceux qui sont dans la tombe. Le cheikh il explique que cette entente qui est niée dans ce verset là, c'est pas le fait que les gens de la tombe peuvent entendre, c'est-à-dire ils peuvent entendre, mais cette entente-là ne leur profite en rien puisqu'il est trop tard pour eux pour de revenir sur qu'est-ce qu'ils avaient comme mécréance ou comme égarement ou comme péché ou autre. Donc il y a la négation de l'entente dans ce verset-là, mais c'est pas une négation de l'entente de façon absolue, c'est-à-dire ils peuvent entendre mais ils peuvent rien faire, même s'ils entendent, ils peuvent pas, ça peut pas leur profiter. Et donc, Aïcha radiallahu anha, elle s'est probablement basée sur ce verset-là, mais elle ignorait qu'il y avait d'autres hadiths qui parlaient de ce sujet-là, hein, sur cette question. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Comme cette question-là en particulier, dans une certaine citation de Ibn Taymiyyah, il mentionne ça parmi les divergences qui se sont produites entre les salafs. Et il fait une énumération de divergences. Et certaines personnes, ils ont pris cette énumération-là et se sont basés là-dessus pour dire, regardez, même les salafs, ils ont divergé. Ça veut dire, aujourd'hui, on peut diverger nous aussi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même Ibn Taymiyyah, sur ces exemples de divergences entre les salafs, il a tranché dans ces divergences-là, entre les divergences des salafs, sur ces questions-là. Mais c'était un exemple qu'il donnait pour faire comprendre la question à propos du mujtahid qui jugeait selon la connaissance qu'il possède, il est excusé parce que s'il ignorait la preuve, il est excusé. Donc on a fini avec ce point-là. Maintenant on commence un autre point que le cheikh explique. Fa'idatun dhahabiyya min al-wazir ibn Hubayra. Wa hadha al-wazir ibn Hubayra nazara fi maqasid al-shar wa qawa'idih al-kulliyyah. وصبر النصوص في الأمر بمجاهدة المشركين ومجاهدة المبتدعين وصبر سيرة الخلفاء الراشدين في مجاهدة المشركين وتأمل بعين البصيرة ما أفسده المبتدعون في الأمة الإسلامية وما أفسده العدو الخارجي من الكفار والمشركين فخلص إلى أن إفسادهم في الأمة أعظم من إفساد المشركين إذ لما ساق رحمه الله حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مسدون اليد أو مودن اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الوزير بن هبيرة وفيه من الفقه توفر الثواب في قتل الخوارج وأنه بلغ إلى أن خاف علي أن يبطر أصحابه إذا أخبرهم بثوابهم في قتلهم, وإنما ذكر هذه لئلا يرى أحد في وقت ظهور مثلهم أن قتال المشركين أولى من قتالهم, بل قتالهم على هذا أولى من قتال المشركين, لأن في ذلك حفظ رأس مال الإسلام, وقتال المشركين هو طلب ربح في الإسلام. OK. Ça c'est un point vraiment important. Le cheikh il dit c'est une faïda qui est en or zahabiyya de la part d'un grand imam, un grand savant de l'islam qui s'appelait Al-Wazir ibn Hubayra. Donc il mentionne Al-Wazir ibn Hubayra, il mentionne que il dit que Al-Wazir ibn Hubayra, il a étudié les objectifs de la charia ainsi que les fondements généraux de la charia, et il a analysé les textes qui parlent de l'ordre de combattre les mushrikins et de combattre et de lutter contre les mubtadi'a, et il a analysé la sira des khulafa ar-rashidin, des successeurs bien guidés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur manière comment ils ont lutté contre les mushrikins, et il a également analyser tout ça et méditer sur ça avec un œil qui analyse et qui se base sur l'analyse et la compréhension, hein, et il a vu, il a comparé ou l'a médité sur qu'est-ce que les mubtadi'a ont corrompu dans la umma islamique, et il a regardé par exemple l'exemple de la corruption qui vient de l'erreur de l'ennemi extérieur, c'est-à-dire les kuffars et les mushrikines, et il a fait la comparaison entre les deux. C'est-à-dire il a comparé la corruption qui vient des gens de Bid'a qui sont à l'intérieur de la Umma, et il a comparé ça avec les corruptions qui sont venues de l'extérieur de la part des kuffars et des mushrikines. Et il en est venu à la conclusion que ce que les mubtadi'a, les gens de Bid'a ont corrompu à l'intérieur de la Umma, c'est plus grand que ce que les mushrikines ont réussi à corrompre de l'extérieur, hein. Et donc ça c'est une chose qui est très importante. OK, parce que il y a beaucoup de gens comme ça, ils disent "Ah, mais il faut s'unir, on est tous musulmans, l'important c'est qu'on dit la ilaha illallah, on est tous des frères, on s'aime, on est musulmans." Hein? Et donc ils se disent dans ce cas-là, il faut pas se critiquer, il faut pas se détester, il faut pas se réfuter les uns les autres. Hein? Il faut s'excuser quand on a des divergences. Vous pensez pas que les koufars ils vont pas essayer, mais justement, ils ont essayé justement de s'infiltrer parmi les musulmans pour essayer de corrompre l'islam par l'intérieur. Et ça, c'est une chose qu'ils ont essayé de faire depuis le début. Et donc, c'est pour ça que l'ennemi à l'intérieur, c'est plus dangereux que l'ennemi à l'extérieur. Hein? L'ennemi à l'intérieur, il est plus dangereux que l'ennemi à l'extérieur. Et qu'est-ce qui nous prouve que le munafiq, c'est pas juste quelqu'un qui est en train d'essayer de corrompre l'islam par l'intérieur, et le mubtadi', hein, la même chose, hein? Donc il faut faire attention à ça. Le cheikh il dit, lorsque Ibn Hubayra a mentionné les hadiths de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsqu'il a mentionné la question des khawarij, hein, les khawarij, yani Ali ibn Abi Talib a mentionné un hadith au sujet des khawarij, parce que c'est qui à l'époque les sahaba qui a combattu c'est qui parmi les sahaba à l'époque des sahaba qui a combattu les khawarij? C'était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc Ali ibn Abi Talib a dit, si je vous mentionnais les hadiths qui parlent de la récompense que Allah a promis au sujet de ceux qui combattent les khawarij, vous seriez trop fiers, hein. Donc c'est pour vous dire, subhanallah, lorsque Ali ibn Abi Talib a combattu les Khawarij, les Haruriyya, ce qu'on appelle les Haruriyya, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, Non, pardon. Lorsque Ali ibn Abi Talib les a combattus, il a dit à ses compagnons, cherchez-le celui d'entre eux qui a sa main, son bras est coupé. Il a un bras coupé et le bout qui reste, c'est comme un morceau de chair, un morceau de viande qui ressemble à un sein, hein, comme un sein d'une femme. Donc, les sahabas ont cherché parmi les morts, parmi les gens qui avaient été tués dans le combat, parmi les khawarij. Donc, ils cherchaient parmi eux. Il dit, cherchez-le, il faut le trouver. Hein, Ali ibn Abi Talib, il insistait là-dessus. Et donc, à un moment donné, ils l'ont trouvé. Hein, Dhul Khuwaysira. Hein, celui qui avait un bras coupé, qui avait juste un comment on appelle, j'ai oublié la partie, qu'est-ce qu'on appelle la partie du bras qui reste après que le bras ait été coupé, eh bien le bout ressemblait à un sein, comme un sein d'une femme. Donc ils le cherchaient, finalement ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, là Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était tellement content parce que il se rappelait de la récompense qui avait été mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de celui qui va combattre les gens qui vont être avec celui-là, avec Dhul Khuwaysira, hein, et qu'ils auront une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Donc, Ali ibn Abi Talib, il dit dans Sahih Muslim, dans le hadith 1066, il dit que si je vous mentionnais ce qui a été promis par Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui vont les combattre, ceux-là, eh bien, vous auriez été trop fiers. Hein? Alors, je ne vais pas vous le dire. Mais, bien entendu, ça a été rapporté dans des hadiths qu'il l'a expliqué. Donc, ça c'est juste pour dire, hein, que le cheikh, il utilise cet exemple-là pour arriver à une conclusion. Maintenant, il cite les paroles elles-mêmes de Al-Wazir ibn Hubayra, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Ifsah, An Ma'ani As-Sihah. Ok, ça c'est son livre, au volume 1, à la page 280. Ibn Hubayra, il dit, il y a dans ça un grand fiqh, une compréhension, qui montre qu'il y a une grande récompense pour le fait de combattre les Khawarij. Hein? Les Khawarij, n'oubliez pas, ce sont des gens qui ont une apparence très religieuse, ce sont des gens qui montrent en apparence qu'ils sont pieux, hein? Ils font des extrêmes dans l'adoration, sont extrémistes dans l'adoration, ce sont des gens qui considèrent que ceux qui font des grands péchés sont des kuffars parce qu'ils sont extrémistes, hein? Ils ont dévié au sujet de la foi, et donc ils déclarent kuffars tous ceux qui font des péchés. Et ils appellent à la rébellion contre les dirigeants au nom de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Donc ça, c'est des exemples de l'attitude des Khawarij. Donc ça, ces gens-là, comme à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé d'eux, hein, il les a décrits comme étant des gens qui étaient durs dans l'adoration, extrêmes dans l'adoration. Même que celui qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi eux, qui avait dit « Oh Muhammad, crains Allah, ou bien oh Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste », et bien là on voit l'attitude de ces gens-là. Et dans la description qu'on voit de ce personnage dans le hadith, on l'a décrit comme étant quelqu'un qui avait une barbe très généreuse, hein, et qu'il avait une marque de prosternation, hein, donc c'est pour dire quelqu'un qui était en apparence quelqu'un de très très très religieux, mais qui est tombé dans l'extrémisme, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement averti contre celui-là et contre ceux qui allaient le suivre par la suite. Donc le cheikh, il dit, on voit dans ça une compréhension de la récompense dans le combat contre les Khawarij, et que ça atteint le niveau où Ali a eu peur que ses compagnons se sentent trop fiers, hein, du fait qu'ils les ont combattus, hein, s'il leur mentionnait la récompense pour avoir combattu ces gens-là. Donc le cheikh, il dit, il a mentionné ça pour quelle raison? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a mentionné ça pour une raison, c'est pour pas que lorsqu'il y a l'apparition des Khawarij, que quelqu'un ne s'imagine pas par la suite que il est plus important de combattre les mushrikins que de combattre les Khawarij. Au contraire, combattre les Khawarij est plus important que combattre les mushrikins. Parce que lorsque tu combats les Khawarij, tu es en train de protéger et de préserver le capital de l'islam, tandis que lorsque tu combats les mushrikins, tu es en train de demander un profit pour l'islam. Hein? Et donc ça c'est la fin de la citation de Ibn Hubayra, al-Wazir Ibn Hubayra. Donc c'est pour dire que il a extrait de cet exemple du combat que Ali radiallahu anhu a combattu les Khawarij à son époque, c'est pour montrer que de combattre les Khawarij, c'est plus important que de combattre les mushrikines et les kuffars, les juifs, les chrétiens et les autres. Hein? C'est plus important. Parce que, comme il l'a dit, le cheikh, combattre les Khawarij, c'est des gens qui sont en train de faire de la corruption à l'intérieur de la Ummah et de détruire ce qui est déjà établi parmi le capital de l'islam. Tandis que de combattre les mushrikines, ça c'est de chercher quelque chose de surplus, un profit, hein, pour l'islam. Et ça c'est quelque chose qui vient en second. Donc l'ennemi, combattre l'ennemi intérieur a précédence sur le fait de combattre l'ennemi extérieur. Hein, c'est ça le principe. Et c'est ça que le cheikh essaie de faire comprendre ici. Et il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, qui ne comprennent pas ça. Ils disent, ah, regardez, comment ça se fait, hein, les salafis critiquent plus les khawarij, ils parlent pas des gens qui font des péchés, ils parlent pas de ci, ils parlent pas de ça, hein, parce qu'ils comprennent pas le manhaj de l'islam comme il faut. Ils comprennent pas la voie des salafs comme il faut, comment les salafs étaient, comment les salafs agissaient, hein, comment les salafs appliquaient les règles de l'islam, comment ils comprenaient ces questions-là. قال الشيخ الزي وقال محمد بن يحيى الذهلي سمعت يحيى بن معين يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله فقلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه قال نعم بكثير. Regardez cette parole des salafs également qui confirment cette question. Et ça, c'est la réfutation des takfiriyin et des djihadis, des gens qui se prétendent vouloir soi-disant faire le djihad, ou faire qui pensent qu'ils sont aptes à faire le djihad contre les koufars aujourd'hui, puis qui font du terrorisme au nom de l'islam et tout, et qui font des choses sans se référer aux dirigeants musulmans, au nom de l'islam et au nom du djihad. Ils pensent que de combattre les koufars, c'est plus important. Et eux sont parmi les Khawarij. Et de les combattre, ces gens-là, c'est plus important de combattre les Khawarij que de combattre les Kuffar. Hein? Et le Cheikh, il mentionne les paroles de Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, qui dit, j'ai entendu Yahya ibn Ma'in, un des imams, une montagne parmi les savants des salafs, Yahya ibn Ma'in. Il disait, de défendre la sunnah, c'est meilleur que le djihad fi sabilillah. De défendre la sunnah, c'est plus important, c'est meilleur que de faire le djihad fi sabilillah. Alors, quelqu'un a dit à Yahya ibn Ma'in, un homme dépense de ses biens et se fatigue lui-même, et il va lutter dans le chemin d'Allah, et celui qui défend la sunna est meilleur que lui? Il a dit, oui, et de beaucoup. Na'am, bi kathir, hein, de beaucoup. Ça, c'est mentionné dans Sir A'lam Nubala, volume 10, à la page 518, pardon. Donc ça c'est pour montrer que la question du djihad, hein, le fait de faire le djihad contre les mubtadi'a, c'est plus important que de faire le djihad contre les kuffars, les ennemis de l'islam, les ennemis extérieurs, c'est-à-dire. Après le cheikh dit, وَعَلَى هَذَا مَضَى أَئِمَّتُنَا فَيَرَوْنَ أَنَّ الْجِهَادَ الْمُبْتَدِعَ هُوَ الْأَصْلِ وجهاد الكفار والملحدين فرع عن هذا الأصل. Il dit, ça c'est comme ça, nos imams, ils ont toujours vu ça dans le passé de cette manière. Ils considéraient toujours que de faire le djihad et de lutter contre les gens de bid'a, c'est la base, et que de faire le djihad contre les koufars et les mulhidin, les égarés, les athées, les koufars à l'extérieur de l'islam, ça c'est une branche, ce n'est pas un fondement. Hein? C'est une branche, ce n'est pas un fondement. D'accord? C'est un élément, mais ce n'est pas un élément fondamental. Le fondement et la base, c'est de faire le djihad contre les ennemis à l'intérieur en premier. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Après, le cheikh, il dit, « وَقَالَ الْعَلَّامَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ السَّعْدِ الْجِهَادُ نَوْعَانِ جِهَادٌ يُقْسَدُ بِهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلَاحُهُمْ فِي عَقَائِدِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَجَمِيعِ شُؤُونِهِمْ الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam As-Sa'di rahimahullah, et il mentionne ça dans le livre Wujub al-Ta'awun bayna al-Muslimin, l'obligation de la coopération entre les musulmans. Il dit, le cheikh As-Sa'di, le djihad est de deux catégories. Le premier djihad, c'est un djihad par lequel on veut corriger et réformer les musulmans et les corriger dans leur aqidah, dans leur comportement, et dans toutes leurs affaires religieuses et dans les affaires de la dunya, et les éduquer de façon, dans les questions de science et dans les questions d'application de la science aussi, dans les choses scientifiques et dans les choses de l'application et dans les actions. Et cette catégorie-là, c'est la base du djihad, et c'est le fondement de ce djihad. Et ça, c'était aussi également le manhaj que l'imam Al-Albani rahimahullah il considérait, et il utilisait la formule at-tasfiya wa at-tarbiya pour exprimer ce principe là. At-tasfiya wa at-tarbiya, at-tarbiya wa at-tasfiya, c'est pas quelque chose que Cheikh Al-Albani il a inventé lui-même, c'est pas une bid'a que le Cheikh a amené, c'est quelque chose qui existait dans les paroles des salafs, depuis l'époque des salafs, de corriger qu'est-ce qui a été corrompu à l'intérieur en premier, et de se concentrer sur l'éducation des musulmans et de la réforme à l'intérieur de la Ummah, puis par la suite qu'est-ce qui vient, comme le cheikh l'imam As-Sa'di il dit dans la deuxième partie, la deuxième catégorie, c'est là-dessus que se base la deuxième catégorie du djihad. Parce que tu ne peux pas faire le djihad, la deuxième catégorie du djihad contre les koufars et les ennemis extérieurs de l'islam si tu n'as pas établi la base. Et la base, c'est donc le premier djihad qu'on a mentionné. Le deuxième djihad, c'est par la suite, ou la deuxième catégorie du djihad, comme il dit ici, c'est le djihad par lequel on veut repousser les ennemis extérieurs, et c'est-à-dire les koufars, les munafiqines et les mulhidines, et tous les ennemis de la religion musulmane, et de les combattre et de les repousser et de les affronter de l'extérieur. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, mais c'est pas la base, c'est quelque chose qui vient en second lieu, qui vient par la suite. Donc ça, c'est un point important à ce sujet-là. Après, le cheikh il dit comme c'est le dernier point dans la première section de ce livre, c'est mizanu ahli al-ilm wa al-i'tidal fi naqd ar-rijal. C'est-à-dire la balance des gens de science, la balance et l'équilibre et la justice des hommes de science dans les questions de critique par rapport aux individus et aux hommes dans la religion. Comment on doit utiliser l'équilibre et la justice dans la manière dont on critique les personnes et les individus. Le cheikh il dit خطأ العالم. Ah oui, donc juste pour revenir à la dernière partie qu'on a expliquée maintenant par rapport aux ennemis intérieurs et extérieurs et tout, ça nous montre que la question de ceux qui disent par exemple on s'excuse entre nous dans les choses sur lesquelles on est en désaccord, eh bien, on voit que c'est un mensonge, ça ne s'applique pas. Puisque les sahaba, ils commençaient toujours par lutter contre les ennemis à l'intérieur de la Ummah et contre les Mubtadi'a en premier. Et ils n'allaient pas dire comme les gens de Bid'a et les Hizbiyin, ils disent maintenant, en Europe et en Amérique et ailleurs, ils disent, écoutez, les musulmans, actuellement, on est en Occident, on est en Europe ou en Amérique. Et le manhaj des salafs, ça ne peut pas s'appliquer en Amérique. Il faut qu'on coopère entre nous parce qu'on est faible et on est minoritaire. Et il y a la majorité qui sont des koufars. Et donc, si on ne travaille pas entre nous et on ne coopère pas entre nous et on ne s'excuse pas dans nos erreurs mutuellement, eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas être capable de faire quoi que ce soit. Et donc, il nous demande de ne pas critiquer les gens qui ont des égarements, qui ont des bid'ahs, qui ont des formes de bid'ahs, de kufr, de shirk parmi les musulmans et qui invitent à des égarements, comme les rafidahs, comme les soufis, comme les asha'irahs, comme d'autres gens parmi les gens de bid'ahs qui ont des déviations dans leur compréhension de l'islam. Ils veulent qu'au nom de, soi-disant, le fait qu'on est une minorité, le fait qu'on est faible, le fait qu'on est dans un pays non musulman, ils veulent que ce soit un prétexte ou une excuse pour s'unir et pour travailler ensemble et de passer par-dessus nos divisions et nos erreurs et nos égarements, ainsi de suite. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui ne va pas aider les musulmans. Au contraire, c'est quelque chose qui va amener la destruction et la division encore plus entre les musulmans. Parce que peut-être que dans les moments de crise ou dans les moments de fitna ou de difficulté, c'est possible qu'il y ait des gens qui vont accepter, parmi les gens de bid'a, qui vont accepter de se taire sur certaines de leurs égarements ou certaines de leurs bid'a. Mais aussitôt qu'ils auront l'occasion, ils vont en profiter pour en ramener des gens avec eux dans leur programme et dans leurs égarements. Donc ça, c'est des gens avec qui on ne peut pas travailler puisqu'ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas francs, ils ne sont pas sur la même base de vérité que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc il faut s'unir, c'est vrai, mais il faut s'unir sur la vérité et non pas s'unir sur le fait qu'on veut faire ci ou on veut faire ça, un programme politique ou économique ou autre. Ça ne va jamais marcher et c'est pas là-dessus qu'on doit se baser si on veut être sur la bonne voie, si on veut suivre l'exemple des salafs. Donc le dernier point, c'est le point suivant. C'est quoi la balance qu'on doit utiliser pour juger dans la critique des individus dans l'islam? Le cheikh il dit خطأ العالم لا سيما إن كان جليلا فتنة لطائفتين طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه وطائفة تضمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه وكلا هذين الطرفين فاسد ولا بد من سلوك طريق الاعتدال. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أخطاء الأئمة الأعلام كسفيان الثوري وعطاء ابن أبي رباح والأعمش وغيرهم من المتأولين في بعض المسائل المتنازع فيها، قال إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة، فليس لأحد أن يحتج لأحد القولين فليس لأحد أن يحتج لأحد القولين بمجرد قول أصحابه وفعلهم وإن كانوا من أهل العلم والدين، وليس لعالم أن يترك الإنكار عليهم وبيان ما بعث الله ورسوله لأجل محلهم من العلم والدين، ولا لأحد أن يقدح فيهم ويفسقهم لما هم عليه من العلم والدين، فلا يحتج بقولهم ولا يؤثمه ولا يترك الإنكار عليهم. فهذا من ميزان أهل العلم والاعتدال، والسالك الذي يريد الله ورسوله والدار الآخرة لا يقنعه في مثل هذا اتباع من ليس قوله بحجة، بل عليه أن يتبع الصراط المستقيم وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وكان عليه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit l'erreur il y a des gens qui font des erreurs parfois dans leur façon de juger et d'analyser dans les questions de comment ils critiquent les individus. Il dit que lorsqu'un savant se trompe, ou lorsqu'il fait une erreur, et en particulier lorsque c'est un savant qui est respecté et qui est vu, qui est bien vu, hein, quand il fait une erreur, ça devient une fitna pour deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui ont du respect pour ce savant-là et qui veulent dire que qu'est-ce qu'il fait, ce savant, ou qu'est-ce qu'il dit, c'est quelque chose qui est correct et c'est ça qu'il faut suivre. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Pour eux, c'est une fitna parce qu'ils veulent défendre le cheikh. La deuxième catégorie pour laquelle c'est une fitna, lorsque le savant fait une erreur, c'est le groupe qui veut blâmer ce savant-là et qui veulent utiliser cette erreur-là pour l'attaquer ou le critiquer dans sa piété et dans le fait qu'il soit, par exemple, rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que les deux extrêmes sont, ces deux groupes-là sont à un extrême et ils sont dans des positions qui sont incorrectes. Parce qu'il faut suivre la voie de l'équilibre et la justice dans ces questions-là. Et il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim à ce sujet-là. Il dit que, après avoir mentionné l'imam Ibn al-Qayyim a parlé des erreurs des imams parmi les grands savants de la Ummah, parmi les imams des salafs comme Soufiane al-Thawri et Atta ibn Abi Rabah et al-A'mash. D'autres parmi les savants qui ont fait des erreurs, hein, qui ont mal compris dans certaines questions au sujet desquelles il y avait des divergences. Donc le cheikh il dit des savants de cette catégorie là parmi qui ont divergé dans des questions au sujet desquelles la Ummah ont divergé, quelqu'un n'a pas le droit de prendre une position pour une des deux positions en se basant uniquement sur la parole de ses compagnons ou de ceux qu'il suit et en se basant uniquement sur leurs actions ou leurs paroles. Hein? Si ce sont des hommes de science et de religion, ils ne doivent pas se baser uniquement sur les paroles de ses compagnons, de ses imams, ou de ceux qu'ils suivent, et sur leurs actions également. Un savant ne doit pas non plus abandonner la réprimande qu'il fait ou la critique qu'il fait de quelque chose, et il ne doit pas abandonner également la clarification de ce qui vient d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam à cause de la position qu'un savant a dans sa science et dans sa religion. Et quelqu'un ne doit pas non plus critiquer ou attaquer quelqu'un ou les déclarer de pécheur ou de foussard parce que ce sont des gens qui sont également basés sur la science et la religion, et on ne se base pas sur la parole de quelqu'un comme étant une preuve. Hein? Et on ne doit pas non plus se baser sur les paroles de quelqu'un pour déterminer que quelqu'un d'autre est sur un péché ou pour abandonner la critique de quelqu'un. Ça, c'est la balance des gens de science et de l'équilibre qu'ils utilisent pour juger dans ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire, pour simplifier un petit peu la parole qui est expliquée ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des divergences entre ça, hein, il y a deux positions sur quelque chose parmi les savants, et il y en a un groupe qui ont défendu une position et un autre qui ont défendu une position, qu'est-ce qui se passe parfois, et surtout même à l'époque actuelle, même parmi les salafis, on trouve que parfois, surtout parmi les débutants en sciences islamiques et des gens qui commencent à apprendre, hein, comme moi et comme d'autres également, qui ont peu de connaissances et de compréhension dans les bases de l'islam, on voit qu'on commence à s'attacher à la position d'un cheikh Parfois, pas parce qu'on connaît les preuves de qu'est-ce qu'il a dit, mais uniquement parce que c'est lui qui l'a dit. Et on voudrait que quelqu'un cesse de critiquer un autre, non pas parce que il a des preuves que cette critique est incorrecte selon le Coran et la Sunna, mais uniquement parce qu'il a du respect envers le savant qui est critiqué, et il aime le savant qui est critiqué, et il ne veut pas qu'on le critique, non pas parce qu'il a lu les preuves ou qu'il connaît les arguments qui sont mentionnés contre la personne, mais uniquement parce qu'il a du respect et parce qu'il aime ce cheikh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui défendent ou qui critiquent d'autres personnes sans se référer aux arguments et aux preuves qui sont rapportées pour critiquer ou pour défendre. Ils se basent uniquement sur les paroles du cheikh ou sur le niveau de science que possède le cheikh pour dire qu'il est d'accord ou contre. Donc, cette attitude-là, c'est pas la bonne attitude. Le cheikh dit, celui qui recherche vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et l'au-delà, il ne peut pas être satisfait de suivre la parole de quelqu'un. Parce que la parole de quelqu'un, c'est pas une preuve. Dans le sens, quand on dit la parole de quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire, on peut pas suivre juste sa position sans connaître sa parole et ses arguments. C'est ça qu'on veut dire. Pas la parole, parce que quand quelqu'un ramène des paroles à propos de quelqu'un, par exemple, si une personne a dit des choses incorrectes et que toi tu rapportes ces paroles de façon honnête et de façon sans rajouter, sans enlever quoi que ce soit, tu expliques les paroles de quelqu'un qui sont des paroles fausses ou erronées et tu les rapportes telles quelles, hein? Alors dans ce cas-là, ça c'est des paroles, c'est vrai, sauf que c'est un témoignage, hein? C'est des paroles qui sont des paroles vraies, des paroles qu'on a rapportées. Et donc, si tu te bases sur des paroles qui sont rapportées de personnes fiables pour critiquer quelqu'un, ça c'est des arguments en soi, la parole que tu rapportes. Mais nous, on parle pas de ce genre de paroles-là maintenant. On parle des gens qui se basent pas sur ces arguments ou ces paroles qui ont été rapportées au sujet de ces erreurs ou de ces paroles. On parle de la position du savant lui-même. C'est-à-dire, sa position n'est pas une preuve si tu connais pas ses arguments. C'est ça la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. C'est ça ce qu'il veut dire ici. Il dit, tu dois suivre le sirat al-mustaqim et ce qui est supporté par le Coran et par la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivaient. Ça, c'est les arguments et les preuves aussi que tu dois suivre, mais pas de juste prendre la position d'un cheikh et tu dis, parce que le cheikh a dit ça, donc je vais être d'accord avec lui. Ça, c'est pas correct. Ou parce que le cheikh a critiqué tel cheikh, je suis d'accord avec ce cheikh. Ou parce que le cheikh a défendu tel cheikh, je suis d'accord avec le cheikh. Ça, on a vu des affaires qui sont arrivées comme ça. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, quand il y avait la fitna avec Abu al-Hassan al-Ma'ribi, il y a des gens qui ont entendu les arguments et les preuves qui ont été rapportées de la critique de Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Et ils ont vu clairement que Abu al-Hassan al-Ma'ribi a fait des erreurs et il a contredit le manhaj. Et les savants l'ont réfuté, ainsi de suite, ainsi de suite. Un grand nombre de savants l'ont réfuté sur beaucoup d'exemples qu'il a fait, beaucoup d'égarements qu'il a ramenés. Mais il y a des gens qui ont essayé de défendre Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Et donc, ils sont allés voir d'autres shuyukh pour essayer d'avoir des positions ou des réponses différentes. Et donc, ils sont allés voir d'autres shuyukh et certains ont dit, non, il est correct, il est bien. Et donc, ils se sont basés sur la parole de celui qui disait qu'il est correct et il est bien pour le défendre. Donc, on est arrivé maintenant avec deux groupes qui se disent, tous les deux qui disent, bon, ok, on est salafi, on est sur le manhaj des salafis et tout. Mais un groupe qui dit, Abu al-Hassan est un mubtadi', et l'autre groupe qui dit non, il faut pas dire ça, tel cheikh a dit le contraire. Dans des situations pareilles, il y a des règles à suivre. Comme on a expliqué maintenant dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim. C'est pas juste de dire par exemple, bon, un tel, il a dit qu'il est bon. Donc, moi je prends la position du cheikh qui a dit qu'il est bon. Et l'autre, il a dit non, il est pas bon. Je prends la position de celui qui dit qu'il est pas bon. C'est pas, bien entendu, c'est pas comme ça. Hein? Et les ulama, ils ont expliqué que il faut regarder les critiques qui ont été ramenées. C'est quoi les critiques? Et c'est quoi les problèmes qu'on a critiqués? Et donc, on voit que parmi les chouïrs qui ont fait la critique, ils ont ramené beaucoup d'arguments et beaucoup d'explications détaillées pour montrer les erreurs de la personne. Donc, quelqu'un d'autre, peu importe qui il est, peu importe son niveau de compréhension, peu importe son niveau de science, peu importe sa piété, hein, comme Cheikh Rabir, il explique souvent, des fois dans ses erreurs, il dit, même si l'imam Ahmad, hein, il vient dire que cette personne-là, elle est bien, tandis que l'autre savant, il est contre lui, il ramène des arguments détaillés et des preuves détaillées de l'égarement ou la contradiction de cet individu-là, eh bien, la parole du savant qui ramène des arguments détaillés est la précédence sur celui qui dit qu'il est correct, mais qui ne ramène pas des arguments détaillés. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a les chouïrs qui parlent des questions, par exemple, quand il y a un jarh qui est mufassal, et quand il y a un jarh qui est quand il y a un ta'dil qui est pas mufassal, hein. Donc quand il y a un jarh, dit quelqu'un, un savant a fait une critique de quelqu'un et qu'il a ramené des arguments vraiment spécifiques et précis, clarifiés, détaillés, hein, avec les citations dans tel, par exemple, telle personne dans tel livre, il a dit telle chose à telle page, et il met la citation, ou dans telle cassette, il a dit telle chose la première face, à telle minute, il a dit voici ce qu'il a dit, et on entend ses paroles, après il donne la réfutation. Ça, c'est des critiques qui sont détaillées. Quelqu'un peut pas le rejeter du revers de la main et dire non, il est correct. Hein? Pour vous donner un autre exemple aussi, peut-être pour vous faire comprendre encore plus, vous voyez quelqu'un comme, par exemple, Sayyid Qutb. Cheikh Rabi' et d'autres parmi les ulama, hein, hafizahumullah, ils ont écrit des réfutations des erreurs de Sayyid Qutb qui sont très très spécifiques et très détaillées. D'accord? Il a écrit non seulement un livre, mais des livres pour montrer les erreurs de Sayyid Qutb et ses égarements. Avec des citations de qu'est-ce que Sayyid Qutb dit dans ses livres et des réfutations de ses erreurs détaillées, spécifiques. Clair. Après, il y a le Cheikh Rabi', rahimahullah, hafizahullah, il a envoyé des livres à plusieurs chouyours, justement pour qu'ils analysent la réfutation qu'il a faite de ces potos, pour qu'ils donnent leur point de vue, leurs conseils, hein, leurs arguments, ainsi de suite. Et puis, il y a Bakr Abu Zayd, hein, rahimahullah, qui a écrit une réponse au Cheikh Rabi' de 4 pages pour lui dire, ou soi-disant pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la critique, hein, et pour dire non, il est bien, Sayyid Qutb il est correct, il a fait ci, il a fait ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Hizbiyin à ce sujet-là par la suite? Ils sont venus avec les 4 pages de Bakr Abu Zayd, ils ont photocopié ces pages, ils les ont imprimées, publiées, diffusées dans le monde entier. Hein, ça a fait le tour du monde, ces feuilles-là. Et ils pensent qu'avec 4 pages, on peut réfuter des ouvrages qui ont été expliqués, on réfute Sayyid Qutb dans des erreurs graves dans les fondements de l'islam, et avec des clarifications et des réfutations qui sont spécifiques et détaillées. Avec 4 pages, tu vas réfuter tout ça. Ces gens-là, ils se basent sur quoi pour défendre Sayyid Qutb avec ces 4 pages? Il se base sur la notoriété et la science et la réputation du cheikh Bakr Abou Zayd. Et il se base sur le fait que, étant donné que le cheikh Bakr Abou Zayd, c'est un grand alim, c'est un homme pieux, c'est un homme connu pour sa science, ainsi de suite, ça suffit, son témoignage est suffisant pour répondre aux arguments de cheikh Rabi' et aux autres ulama qui ont réfuté Sayyid Qutb, et pour remettre Sayyid Qutb au rang des imams de l'islam. Est-ce que c'est de cette manière-là que ça fonctionne dans l'islam? Quand quelqu'un est critiqué, on peut juste utiliser un témoignage de, ou une parole de quelqu'un qui l'écrit comme ça dans 4 pages pour répondre à des séries de réfutations et des arguments solides et clairs et clarifiés et détaillés qui montrent l'égarement d'un individu, hein? Donc il faut faire la distinction. Et on voit ça souvent de la part des Hizbiyyins. Ils utilisent cette méthode de dire, écoutez, c'est vrai, vous mentionnez les erreurs d'un tel et d'un tel, hein? Vous dites qu'il a telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur. Mais c'est pas grave, parce qu'un tel, il a dit qu'il est bon. Non, c'est pas comme ça. Il faut ramener les si quelqu'un prétend que Sayyid Qutb, il est bon, il doit répondre à chacune des objections et des réfutations qui ont été mentionnées à son sujet. Une par une. Preuve pour preuve. C'est ça qu'il doit faire. Il doit répondre à chacune des objections qui ont été rapportées contre la personne. Hein? C'est pas juste de dire il est bon, ça y est, c'est fini. Non. On a dit à son sujet telle critique, avec la preuve et la citation. Ramenez-nous la preuve que cette critique, elle est incorrecte. Il faut les ramener une par une et répondre chaque preuve pour preuve. C'est pas juste on ramène les preuves et vous nous répondez avec 4 pages. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Répondez à chaque preuve par des preuves. Pour chaque argument, par des arguments. C'est pas on vous ramène une liste d'arguments et de preuves et vous ramenez une 4 pages et puis vous dites ça y est, c'est fini, on a réussi à défendre la personne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, j'espère que c'est clair dans la manière dont on doit et l'équilibre et la base qu'on doit utiliser dans la balance pour essayer de juger entre les gens. C'est pas de cette manière. C'est pas de dire un tel cheikh, il est pieux, il a une réputation, il est connu, on l'aime, il a fait beaucoup de bien, donc il est correct et on va le suivre. Et l'autre groupe qui vont dire un tel, il l'a critiqué, donc étant donné qu'il l'a critiqué, il est connu, il est un grand cheikh, donc il a raison et donc on le suit. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les arguments qui doivent être pris en considération et non pas le statut ou le degré de la personne qui critique ou de la personne qui est critiquée pour soi-disant empêcher qu'on la critique. J'espère que c'est clair, j'espère que c'est bien compris et que ça va clarifier beaucoup de problèmes qui se produisent parfois même entre certains frères salafis. Et on le voit actuellement dans des fitanes et des divergences qui se produisent actuellement, hein, on est en train d'en voir. Les jeunes, malheureusement, ils prennent la défense de quelqu'un comme s'ils vont défendre un match de foot, hein, comme vous dites vous en France, les matchs de foot. Il prend pour une équipe, il choisit une équipe et puis après il le défend contre l'autre. Comme si c'était une question comme ça. Ah, moi je suis d'accord avec ceux-là. Et je les défends, oui, ils ont raison. Et l'autre, il dit non, moi je suis avec l'autre groupe. Et je les défends et je les supporte. Comme si, et puis ils se font des félicitations les uns les autres, comme ça, comme si pour essayer de s'encourager chacun dans leur côté. Mais c'est pas comme ça. Il faut faire preuve de crainte d'Allah. Il faut faire preuve de sincérité envers Allah. Il faut rechercher la vérité. Il faut regarder les arguments. Il faut enlever notre passion, nos passions et nos désirs là-dedans, hein. Il faut avoir vraiment l'intention de suivre la vérité et il faut comprendre les questions qui sont en jeu, les enjeux qui sont en question. Et bien entendu, si ces questions-là ne nous concernent pas directement et qu'on peut éviter de rentrer dedans dans le sens que les gens ont des choses qui sont beaucoup plus fondamentales à connaître et à comprendre. Dans ce cas-là, c'est bien pour eux de connaître les fondements et les questions plus importantes. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, et les ulama, ils ont toujours mentionné ça, de se baser, de se concentrer sur les bases. Pour les, en particulier pour nous, les musulmans qui sommes francophones, la priorité pour, les priorités pour nous, le Coran, mémorisation, compréhension, la Sunna, mémorisation, compréhension, l'arabe, compréhension, étude, fiqh, hein, au soul, toutes ces sciences-là, on doit donner priorité. Tawhid, première priorité, c'est fondamental. Hein? Sunnah, etc., etc. Tout ça, c'est des choses fondamentales. Aqidah, manhaj, choses fondamentales. Mais il ne faut pas trop se préoccuper à perdre du temps dans des discussions et dans des disputes inutiles. Il faut aller à l'essentiel et faire ce qui est le plus utile et le plus bénéfique pour nous et éviter de perdre notre temps. Vous pensez que les imams des salaf, l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn al-Mubarak et Yahya ibn Ma'im et Sufyan ibn Uyayna et les autres imams des salaf, vous pensez que eux, quand ils étaient dans leurs études de la charia et des fondements de l'islam, quand ils ont débuté dans la science, ils prenaient leur temps de faire des débats et des discussions avec les gens alors qu'ils n'avaient pas encore assez de science? Non. Ils étudiaient. Quand leur cheikh leur disait, ça y est, maintenant, tu es prêt, là, ils commençaient à étudier, à expliquer, à clarifier, à expliquer aux gens. Mais ils sautaient pas les étapes, hein. Nous, des fois, on saute les étapes, on brûle les étapes, on s'occupe de choses qui nous concernent même pas, et donc, il faut faire attention à ces choses-là. Ceci dit, quand même, il faut, rester toujours à date et à jour dans notre compréhension de notre manhaj, et ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter pour ici, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et demain, Inch'Allah, on continue dans la deuxième section du livre. Et la deuxième section du livre, le titre c'est Al-Qism al-Thani, ma yatarattabu ala i'mali hadhihi al-qa'ida. On a vu les fondements et les principes qui réfutent cette règle des ikhwan. Maintenant, dans la deuxième section de ce livre, on va voir les conséquences de cette règle. Et qu'est-ce qu'elles impliquent dans la réalité lorsqu'on applique ces règles-là? Qu'est-ce qui en découle, hein? Qu'est-ce que ça amène par la suite? Donc on arrête ici, comme j'ai dit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on va s'arrêter. Salam, barakallahu fikum, et jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.